avons décidé de tourner la page. Mais pourquoi as-tu changé de livre? Dans la vie, on fait son choix et on les défend. On choisit son style, on les vit, on les défend. Défend. On choisit son style, on les vit, on les défend. Gaëtan Kodia. Comme toujours, je te sens partir. Arnold Demokine. Et comme toujours, tu ne te vois pas partir. Comme toujours, je te sens partir. Oh yeah. Mavungu Mabio, nga kosonga ma. La pessimiste était au lobe la cama et bien casi n'a constaté au sikanana Nico Boronine docteur Kimi Johnson et puis on se regrette n'a commis mon sikanana et si au poni c'est la naïo on est chassé. Frank Olanzobo. Losa monanga ye paya sakumba ongenga e. Oh salana bone obokola. Jean Alba Mantima Ben Oko Roger Sengabi. Nalinga na basere na tango pesi na kozala présent. Na tango mvula akoya na parapluie. Na tango moyi na kopo mwa ma parasoleil. Natamwa pasi wana saliende lembo ya fidelite na constance bolingo na pesa na yo ye baka viva panela kami kolonya sante awasi na fungisi bien precieuse na ngai ruko masala. Olingwe sambole efungisi anga motema na kozela yo nga na sanelikia yo kozongai kovo masola leka masutra. Olingwe sambole efungisi anga motema na kozela yo nga na sanelikia yo kozongai toyokanaki to tourne page ya bolingo ndenge nini ochange livre. Papi Bastien, promets-moi, bébé. avant yo kende liboso tala na sima tala na sima beberanga motema oyo opanela te maye ya kala efereolembasakisi rambo showbiz toyokana kito tourne page ya bolingo ndenge nini oshanshe livre bolingo esanfole epumisianga motema nakozela yonga nasanelikia yo kozonga bolingo bashefu mongambi bolingo bolingo esanfole epumisianga motema nakozela yonga nasanelikia yo kozonga depuis ngai nasangi yo motema ebongwani ngai matiase ekilwemba ya metiola kola bolingo ekweisi motema na ngai evanui nakomi kotikala lokola na koreve bamongola ekutu bien silia egle jaune kapriso change nga direkso ya nzela nazalaki kokende na la vie ngai na bungie Erado Prince de Zamunda Kana Bungie Na tuta talamte poto Kana Bungie Na sangiba action konga E Fabrice Mola Chelanga fino na kopo Active circulation Kana Bungie Flobo is a shoka Change ba regle alisano Kana Bungie Toujours attentive na bakale Nana bungye Bolingo esanfole Epumisianga motema Nakose la yonga Nasanelikia yoko zonga Chimangoloji Lowe sa akustiki lelo Nalo banano kwa Sadir baka inga na fleri Na boloko vremako Yo na semana nga Doko sarano joana Akuma olata na ba plana nga Adimena koto taiko Bakuma olata biloko na tai na ye Ba pantalona nga katisa Ba chosir kaya share neba nini kwa Acha angola gom na kata Acha angola biloko mwobo ye Kweko kaya na taiko Ah tolela Tabako ya mela mopaya suki bati ango singateo Ye baba lingi mopaya hali ya pono ya pambaye Eye rigongo bila Oke paya molonga ni bapesio ebonga ya mukuse Ye baba lingi omela temo suswa zananze lae Eye rigongo Bafungoli imbo ya ina solo na yoe Lukanzelo na mosusu kuna siyo koma zero e Zero papa Libenga na yone vandisa kiyo kuna lonta Kokona na yangondeza kubenga nisa yoe So kina feti mulo nganya komiko tambola tambola Gentillesse ko luta bande kweza Nkadre mae, bankadre ye Kolela tesa makambo eyaka e Sotampa metini lali bulu moli moteo Punda yo bona kie bimile shekeo Kozori goma beteo Sama ma bepo na nini Kolela tesa makambo eyaka e Sota pambe dini lali bulu moli moteo Punda yopo naki ebi mile shekeo Koso rigo ma beteo Tika pete apu kueko kanzoko Pola venote kukatelo tanka leo Eliko loba boye Tango tola laka Rolo tapeke no Pete zoko tana Musapia nzoko Kweza ndoto Otango rola muka Eza ya ngote Rolo tako suba milio Metango rola muka Osongi ni fina yo normal Nengo zala kaka sika bato baza na ngo bazala na ngo o baza na ngo te baza na ngo te ko vivra normal vivre normal ko linga excité nga ko kimola kela sono singa pongi mo koleksa me ko komandini likama mo ta pombela pese mo toye bakate o pese me mo ko po apesa troe tamo pesi tro o pesi tro nasuka izama mo ja Ozo a problème na masa na yo banini tout ça pona système kaka banini Maye balé ato meli o meli O vide a mouta Bakangi nga la bola ko mama Bakangi nga la bola ko ya ya o Bakangi nga la bola ko mama Bakangi nga la bola ko ya ya o Bakangi nga la bolo ko Tant que non, c'est bon quoi. Juste je vais n'en on a ni ça. Tant on a quoi de Des jours à rouler la banine, manine, chérie, n'en a pas, c'est là. Gardez la banine, on a qu'un acte. Ok. Tant qu'on a rappé, bah bien fait, on a mis balé basse à la rabisso. Ils ont rappé, moi, frère. On s'est libéré dans Marie à l'Osaco, Marie à l'Osaco, Marie à l'Osaco. Et que ça l'a fait, moi, bien. Makambo eyaka e Sota pa me dini na libulu molimo teo Punda ya ponda ki ebi mile sheke o Kozori wa mabete o Boko sanga maboko mpamba e Boko sanga maboko Walala walala C'est le gars comme la yomo laï Ma kole koko ma yokilo e Tu connais si nze moi ma boko pamba Même nga yomo ferrer mou na son ma boko pamba Ok ben na kopa bo e O son pe ma boko pamba On di min se mou yomo go yembaki Ta on tolbi ma boko pamba Ok ne kopa nyo son vega esim Ok ben na bosa li programme me Kope simbite Donc yza ma boko pamba Mais ko tcha mouté ma te ke non Na oke ne talam djian ke wana Oso boule deja poche na ye Sawa sala ki program akangeli otsomi Okombo aleli otsomi Kope baby Oh bazoro na kana dero Na si metro na ali bosu na ona osi na yo Oh Fobenga voyaz Fobenga Oko songa maboko mpamba e Oko songa maboko walolo walolo walolo walolo Zelega komela e omolai Makole koko mayo kilo e Kilo ya ndenge wana Makolo kilo Kole la ti Kole la ti u Kole la te o Kole la ti Kole la ti Kole la ti u Kole la te o Oya ya Kole la te o Kole la ti Papa Sali, Kole Lati, Kole Lati, Melina, Kole Lateo, Kole Lati, Kole Lati, Bakangi ngara bala ko ya ya, Bakangi ngara bala ko mama o. Hey, choke lomboto bokulaka, Swa bamongo nyoso cha bango liboso. Serge Bokana, le président Solgan Seka, maman na terrain Rira bien, qui rira les derniers oh, Mon colombo tout à la nania, colia mino oh. ngange koki mona kele sobe singe na pongi bo koleksa me oko komanini. Kela si batanga kapona afantirte, kela si batanga kapona mayele ya la vie. Kela si batanga kapona afantirte, kela si batanga Kelasi batanga kapona avantirte, kelasi batanga kapona mayele ya la vie. Bolenge na esali pona libala, esali pona kosala mabulu ya mibali teo. Don King Tombo, Fayette mama na Prestona, Blaise et Yoni. Wogo sanga mabroko mpamba e. Wogo sanga mabroko walalo walalo walalo walalo. Zelega comme la yo molai, makoleko comme yo kiloi. Odile Tumba, Christian Kasenga, Eric Kasenga, Regan Fouini, Arzon Mabou Pambata. Merci Olivier. Chimangologie. Merci, merci, merci. Merci. Sur la séance, mon repos n'a pas tout basalia ou à la base à la dédicacer et vous savez bien, ma place est l'issue. Lélo kaka, l'élimba ya boué, finalito, maman est l'ikiaï, bongo sanango, le mbaye. La moto na moye sanduku zomi na zangi mayele yako sepelisa yoye na lambuki abato mwetana na koti zamba na buki 100 kilo ba fleur na maboko mangai moko na baki pungu pungu misato pona yebi olinga kabanya mazarai tumine soki ex lava oni epe kisakati. Pina mitse mumbu na yo pona vi kwa ta regard eno ya pambeza Laetitia Kavenae soki ex lava oni epe kisakati. Pina mitse mumbu na yo pona vi kwa ta regard eno ya pambeza na side da seo oti nilinga malo balo bina ndoko ye kutala ngae batane la kamo konzita pieru shia lukumu. Natandeli yo simi sipe pantalo nanga luimba utana bala mbala tinanda konangai utambolela edoe Patrick Makoda Bwanoa. Yo za vraiment na linye ya babibo joyo viva Ousmane Kaluji ato bombie longi lokolo no pamba ezana valer ya parkere ya Virunga bongola fina ngai na segone moko tanda maboko bongola fina ngai na segone moko pichu nzita bongola fina ngai na segone moko pikas mayabo moko lolwemba kendeki mapembo moko lolwemba kendeki mapembo nakosala nini kilwemba o boinga papi masamba o nakosala nini kilwemba o boinga engaye kaprise na yo nde kuraibinaka ngai elamba na ngai ya fete eza loboso na yo tango koya ekosala le plus grand festin cherigola e caprice afifi nde kuraibinakaki elamba na ngai ya fete eza loboso na yo tango koya ekosala le plus grand festin orli ngola e Benvindo Mpololo Ebana kana projet lelo e koma realite Ba jalo basala kamyo sopo ba kabola abiso e Pete na mapoko na miso na nanzambe Ker ker Papa merci na nenga o pese biso muya Tosa nana nana ye Libala Isale loko ya kobati la carpentie o Toye mayo jalousie Osala na yo seko panza mabala ya batu Oko pesa mama kanisi ya mabila boya Simana ya kwa regrete pamba ama wao Toye mayo jalousie Sala na yo seko panza mabala ya batu Oko pesa mama kanisi ya mabila boya Simana ya kwa regrete pamba ama wao Motema nange no ke limbula mpona ba deception Oya mbula makasi moteme siba erosion Luka solisyo tamwe komi nano gravete Sino kukutana kwena biso mandalala Odette Matoko Aziza Basambi Grand Dame Iris Obama Capri safanine kurei bena kangai Ela manangai afi tizalo posu na yo Shagi Musao C'est-à-dire ma ligne les autres dans plein hiver venant d'autres au bois avec acoustique. Le président Gino Bokana, papa na Lionel. Scram. L'héritier Scram. Loris et la Congolie. Au raté. Na kosa la nini kilwemba o boingao. Oya Metiole. Nako sala nini gilwe mao boingao Natasha Makontimae Vasco Mabiala Mabiala Vasco Bienvenue Makanga Blaise Dilo Nako sala nini gilwe mao boingao Natigana chemise moko pona yo Pantalo kutuna bamala bambatira moya lelo yo Bongo mbula nasumba sapatu na ebakate Wananyo sose pona yo Lelo wanga linga Lelo yo bosa na ngai Lelo yo wanga linga Yo sono ma mio Yo sono ma bea Yo sono ma bema kasi Oibiti Lelo tu solo ba mingi Tsa na kustigo lelo Sa dir ba mingi le bazo beta ba violon Bilo ma non mio Yo lelo turna ba mo ba lela Nenga ba lingi Nenga bazo lela boe Tika lipe ba na kini ba vidon Ba na kini ya ina Dobo se prepareko Kwa kustigo to go beta mo le susu Nenga Godeki Mani Shana Peko ye Ah, ya dada Edi makotima auberge Delegasyon Hollande veye papi masika ye Yo moko salaki mousu ninangai Yo moko salaki mousu ninangai Malera kole sala kyo sila halipe kana yo melina Talande ngotambu isinga makolo ngulu Kilometre mipale simana yo Toso nganako na bole la vita likano Ba emosyo nangeza litelke Mabakuna ngezo bakisela ganga makasi akola nakayo Kotche avie pa Michel Panzou. Tendresse suis embargo. Fungola prisona yo kote sanga vi. Awo meme fungola nani ako libere na invitae. Klema mambu. O meme lingo ya. Natika lina ria. Asala kisal richa sana. La kisa la richesse na ngai ke mabola na nge monani Patrick Mumbatao Espoir na ngai ekundami Sambunda sa trompette Sony mawana kanda Bayokani basangani po ba tortirenga Bayokani basangani Oba tortire nga Mama yowe Anzete mousoufe salaka ya kobota mbumate Moyele kitro mboule sati Wesitete Nasa esek Ko asfixi ngay Ko chene sektisi Ko gomi ngay Eske na ko respire Eske na ko respire Ememba yo Ko voma sola Fanikte Sango, tambu sama kolono Ozongi satre ya bolingo na ngai narai Sokyo yoki na sango Tambu sama kolono Ozongi satre ya bolingo na ngai narai Libeka di mao Beshi sonne narai Kabiwa mbelo presa dome Love langai Soki no Na kene gisango O soki se mote mananga Love langai Soki no Na kene gisango Kise mate mananga Zambe nanga nino pomola li bota mosusuma Mama ya angola e nani ya mwasala e Uzoba kwa mweneni Kayalanda koseidi na krampeka Kadilelo inanga ikwa kuina lelwe Cyril Trésor Mweluta lulula ya sala Kaka kele kabutole moyoe Ameni kele kele dila vampasi Toa indula luzi ngulwame Kwea kulandile Trotare wawo Kwea kulandile Trotare Nalila atana kikongo Nalila nenge nini Atana kikongo Papa lokola yo sundoli ngai bwe Na kole lango na nzambe na ngai Kwa koti ya ngai lobo kwe Kona tumwa mae na nyangwe papa lokola yo tiki ngai boye na kolela ngona nzambe na ngai oya kotia ngai lobokwe mpo na tomwama ye na nyangwe mweluta lulula ya sala kaka keleka butwale moyoe ameni kelekele dila bapasi twayindula luzimu lwame bomemeli ngaya natikali na rie azalaki sele richese na ngai bomemeli ngaya natikali na rie azalaki sele richese na ngai Solo la boîte noire. Dans sa dire trop vite au Kenya, bango l'icolo au-delà. Sentir baron bezaona. Mais le loup acoustique. Tozo sara na les sous. Tozo se fait les ma voix. Moi acoustique et ça l'a moi bien quoi. Hermoro bo batso ma famille. Ne boza bo est vraiment donc ça lui bien. Ne boza ko la acoustique. Artiste c'est à dire azo yemba, azo boa na ye quoi, azo sara na. Bomemeli ngaya, natikali na rie azalaki sele richese na ngai mweluta lulula ya salao kaka keleka butwale moyoe Amini kele kele di la bapa si toa inu la lu zingu lwa meu Kusoba kwa mweleni Kaya landa kose ini na krampeka Kadilelo inanga yu kwa kuina lelwe Papa lokola yo tiki ngai boye Nagole lango na nsambe na ngai Kwa koti ya ngai nobo kwe Ponga na tomu ama e na nyangwe Patricia Baliboum Cheche Cheryl Yaraba Koto Yoko Gima Koda Brad Pitt Tendancier Une fois de plus La retombée n'a même rêve Et pourtant cette fois-ci La canaque n'a seul moins fort Y'a quoi soucier basse La nzambe question de plus de te tenir Pona soye soukaya Kosala n'a ma bête Une fois ma sola, m'avait tombé dans mes mères. Et pourtant, cette fois-ci, la canaque n'a salé moins fort. Y'a quoi soucier, basta, la m'zambé, question de plus de te tenir. Pour la soye, soukaya, m'ko salanga ma pété. Mais n'a bitouni, soukin zambé, y'aime, m'ont toi tchana ma boko ya kovo. Est-ce que c'est trompa qui? N'a mi okeli ma wo. Bolingo dans quoi les festis qui tout à l'aimant Eh eh eh, qu'en amour Maman ici quoi on aime comme on salam naï So qui osa te na mesa na so koko liate So qui na moni yote na so koko lala Eh bolingo bambo Bambo Soki arrive nga na peli bongo e Eko zala sena mabokwa masola e Ye moto atirikli fosona nga ya kokanisa e Aperti beba resona moto na nga e Na bolingo na ye ya temu e Na ba kapris na ye ya ba frijo mwa Je ne peux pas, je ne peux plus So kiende se katra ngana kyoleu makala moto na maboko achukela moto ye moto dirigle basona ngaya kokanisa e aperti beba resona moto na ngai na bolingo na ye temue na ba caprice na ye ba brejo moi je ne peux plus Fabrice Molao. Yako karesenga Yako bini sangaye Yako karesengai Blandine litumba Pourquoi te fumo la portona Chabie komi problem Sose moko tele kilo Lemono nelengi Yako shipi Kama sutra Mita harmonie, Gisèle Bevoseo, Dak la japonaise, Aninga Mweleo, Gipsio Kenge. Pourquoi tu fumes la portona, Tiabe comme un problème? Sose mo kote le kilo, Lelono le lengi. MCS Balondo, Alexis Balondo, yeah! Charles Taboué, système à petit garde, Charles Taboué. Lema Bobidi, Elvis et Sugar, Pati Bokanga, Jean-Jacques Elone, Gilles Tiombele, Mabelo ya Kilomboye, Didier Fuanzo, Serrado Mazikwe, Moro Mandiango, Fils Kinkela. Yako Kare Sengai, Pajo Matuba. Yakobini sangai Fischer Kwar Akodoma Somboe Yakobini sangai Yakokare sangai Gima Lubanga Bienvenue Mamboteo Yakokare sangai Souve solo kitango to solo kyo solo lae Pembeni moto sala kite kakambi Balo bakambire sala kera matui Ifa laki piba pisa yango Ifa laki piba pisa tango mosu sako songisa Malo bayabo lingo Yako kare senga Yako bini sanga ye Pourquoi fumo la potona chabe komi problème Sose moko tele kila le mono nelengi Yako shipi Kama sutra Shipe maya e Bozis Malto Polidor lo faka e Lelo akustikite Boye makambo ezali minene Shabani rekora belelina kinshasa e Shabani rekora belelina nkinyo Mokonti nangaki noel ngoya e Quand je chanterai comme je pleurerai comme je chante Na kebe tabani ngona sima e Bayaba kembe chente ma Bole ngwe solo pasera motemo Papa caprice Na luki na na musika te Na luki bembeni Na luki na na musika te Jenny play na Londre Na luki na na musika te Ode chibambi Bona lemae Si devra pas jure comme ça Fallait me dire chérie L'amour est une force Tu ne peux pas combattre chérie Tu es mon cœur, mon âme, mon air, mon char Je t'aime à la folio Shabalabalaba, shabalabala oh. Eh, shabalabalaba, shabalabala oh. Shabalabala, shabalabala oh. Yako kare sengaye Yako piri sangaye Oh La salle de réception Tremplin Prestige vous accueille pour tous vos événements. Elle est située à environ 30 minutes de Paris en voiture et peut accueillir jusqu'à 350 personnes assises. Elle dispose également d'un grand parking sécurisé et gratuit. Ce lieu au cadre très chic et luxueux est l'endroit idéal pour rendre inoubliables vos soirées de mariage, baptême et anniversaire. Notre équipe met tout son savoir-faire à votre service pour vous aider à organiser tous vos événements et se tient entièrement à votre disposition. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter au 01 60 62 85 76 ou au 06 81 99 93 31 ou encore au 06 59 43 72 78. No te voy a dejar libre, voy a buscarte bajo cielo y tierra. Este amor no fue una apuesta, mujer. Hoy te caminaré, oh, no. Siempre oh, estaré no. Y te perseguiré. Aunque mis zapatos se me gasten, oh, mis pies seguirán pisando toda huella que dejaste. Cassange, Tour Eiffel, Edom Osamba l'intouchable, Arnaud Lemokeli Cruz, Chico Mabele Mame, troisième douage, très serré d'être avec vous ce soir, c'est bien ça. Et c'est moi, Bezene a pame komisanga kizenge Soki osimbi ngai nalengaka netini nae Mokongo nae koma djembo yo ngai na djembelaka Ibumu nae soki nalalea liango bandoto pepe Melina kenza Esengo eto nakanga motemae Bezene a pame komisanga kizenge Soki osimbi ngai nalengaka netini nae Mokongo nae koma djembo yo ngai na djembelaka Kibumu nae soki nalalele yango bandoto pepe Bebe Matia Esengo eto nakanga motema tango na bandaka Po accentuer poso ya plaisir lelo na komi na ngai Kosterne yeye Oteli singa miso neti moto amesana ne kolamba Na koni mebe oloti nini lobi tozala kyo seka mon amour Osonje ninye Epala yo kuna soki bolingo esili Yanga bolingo esana ngona nuhu mamaye Stilo ate sali ratir na feye Bebe na ngai Nanuna yo kateba sila ni Yanga na emo toa kokota kotikala na soni Kwa memanga ne bala sentima Elengi loko la ndobo na misi na kangemi Fungola tamo finu kuna yo kantunga na zomu apeti Na degiste pla peterewe sina ngesi e gonfle Evite nga na reba na kolia na ngati na ntongo Na toka neti moto asolia na lokoso Natoka neti moto asolia na lokoso Natoka neti moto asolia na lokoso Chera sa plaisir na ngezalaka na maboko no melie Yo moko lo baki mo sapira na misa tuezali Elevateur ya tension ya plaisir ya mou mabiso Ozala ki gardion bon wani lelo Mertriye, aya mounene Depuis papa la ye, akoma bien depuis bagaraye akoma bataye. Libako bolingo na beta gibye talambala na leloyo na konyo luka nzela lo na konyo zanga na ba plesi na konyo luka nzela lo kala te de po fote inane bongwa misusi o prometa kinga na la moucheri na kole afluwi e komili susu kongana le afluwi fonga na soufrir na mono c'est pas juste. Basongi songi babo milo tala susi komi osakana na mbade sur na ngai na zangeli susu mwaye ya kose zito na mou babon souvenir epa na nge zala ki nuriti na nga na nga yo na ya munene papika kia songa mukete. Papi kake a songa mukete, mimi na kangu dia songa mukete. Epi chuskwari. Sala, lokola na sindi le bale, loboko na bimisi na sobele la anto pitié. Yako sove mamse buchu. Sala, lokola na sindi le bale, loboko na bimisi na sobele la anto pitié. Y'a qu'on sauve même ses poutchous. C'est vrai, na kangami yawa, na force terrestre ya ba solitude. Y'a qu'on libère na non les matiki. L'amour, loko la kita mo konzi. Et c'est n'a kamo komi palé, mais ça tote mista noute. Et l'ingé kaka moto mo koko voma sola. Et c'est n'a qu'on sala na mo poutchoua lelo. Nengo kola lela ngana butwa lelo. Sukia moto yetele mangana butwa lelo. Soto nyo swe ningana sena butwa lelo. Papi masita tele masena butwa lelo. Plese dilwa tele masena butwa lelo. Esengo nako zana nango na yemite. Natambola kiki sasa maluku masena koluka nzela ninyo kuyayi. Na mataki benzete loko la zashe pona luka nzela ninyo kuyayi. Yebi sangata lelo kola le paname sengo nako zala nango na yebiti. Gelor makalebo. Mapoka na moto na sili maloba. Bongo epeli moto pona koloka kaka mabinini na saliu. Baninga na yani osoba sali banke. Basili sifami na yako duka kaka nani yako bundi na u. Jamoli na kinga na yoto swana. Jamoli na kina kanga elongi. Sokyo silikira sala kyo mikitisa. Sokyo tomo kira sala kiku singa. Pardon pweza bolingo. Mapoko na moto na sili malobo. Ongo epeli moto pona koluka kaka mabinini na saliu. Bandila na yani osoba sali banke. Basili sifami na yoko duka kaka nani ya kubundi na u. Charles Mubembe. Jamoli nga kina kanga elongi. Jamoli nga kina kanga elongi. Sokyo tomo kila sala kyo mikitisa. Richard Darimate Chama Sunda le leader. Et Diego Musique. Merci, merci, merci. Cédric Lutumba. Gisèle, pourquoi changer? Et ça, les lignes n'ayons. on nourrit l'âme d'espoir si moi comme yo kende na yo. Ma paix aux autres salangai, et ça n'a bien la bas effet. So que continue pongo, wano solo kaliwa awa. Tango nga la mi pesi corps, amestri awene, amour nanga, et comme injoignable. Sayona zambindo, kele loko la moto libomai. Pene na yo na sina soa ki forme pe couleur à love. Bakir nyo soya bolingo nga na respecta ki. Love comme yo l'obali, sousou salaka inkirable. Faso yo le lisingai, kole la koutou bebo yo basu ale lingue. Zonga nuki, baninga bazo flatenga na zola lao. Koume la te, juste un peu d'amour, on a vivre un peu. Pour mon ton en asina, ma peine à sala qui au sala pour sala bien maman. N'a comme qui t'a désaccordé, à quoi accordé l'on aïe. N'a déjà tombé, bibi, j'ai tombé, Annie de mots. Souci est envahir, mon thème en aïe, n'a jeune plante, n'a zoban à moi, y'on des fleuris n'a aïe. Yako sekirize na ijisale, zinao. Esina kuma deprime na bolingo na yo. Mokumbe tuko tuko jamale lambute ya je chéri. Mama ya kato bungisa. Maboko notre tendre goli kalisa la soso. Soki osi minga na kome excite ba chiki chiki. Mama ya kato bumisa. Giselle sina salana you. Nesika na ngai. Boyo komo change ata esaleli na yo. Ba repos na yo afer ngai. Eko myo lenisa ngai. Giselle sina salana. Pour yo comment changer à ta saleli na yo. Pour l'aventure crise en gobo. A combien l'ingui sangai. Parto salana nou. Nesika nangai. Pour yo comment changer à ta saleli na yo. Par réponse na yo envers ngai. A combien l'ingui sangai. Parto salana nou. Parto kote kango ete. Parto sala nanu. Parto kopo yangate. Parto kote kango ete. Parto kopo yangate. Parto kote kango ete. Parto kopo yangate. Parto kote kango ete. Pato kobo ya ngati, jizezi nae. Oko ta ngati na makila zinae. Yamoto sekisa kanga na butu. Basi kisike osala kanga zinae. Oko ta ngati na makila zinae. Yamoto sekisa kanga na butu. Pasi kisi kyo salo kanga sina e. So kina tele lo keto na yo ya. Tatu blina beliko. Ya shiru si ambele. Parto kobo ya ngati. Parto koti kangati. Parto kobo ya ngati. Parto koti kangati. Parto kobo yangati. Kobo yangati. Oh, li passa bambon le milliardaire et l'ogue le kitsike sate. Kitaka! Prions pour les saluts. kwa mangana koma kosambisa nzoto Ngai mobali kitoko boye na koma munga mayamba to Tumonga na bimakana na koba toba epinga na kiboluka Soka na kende keko senga kozonga na butu ya mpamba Matoba koma kotuna ngai Yanguyo utaka wapie Na lobaka na bangoe Na salimo zangi Suse komi kosala ngai Pasi mingi na mote mau Makani seko yela ngai Na kene kosimba takisi Funga na salipo mona kisi Esali na mzina mokote Na kolele paya nsambe Oye umelaka Libumu ya mama senga imokote Sambe ya upesa ngangu ya nasala na bokolo mama Papa boti nga Hervé Ferré Atika nga ibo mwana o Nga imale chance nasala lili Pote ba ina nga Mahoyo bawela kapi ya prese Talaba suka kase lanzela Ngai maleme maleme die na koko mae Vya mwana mbali salaka na ngose bongo e Eba na kanapasi yesu kaka mwana bise ngomo Bawoyo bawela kapi ya prese Talaba suka kase lanzela Ngai maleme maleme die Na koko mae Fia mwana mopale salaka na ngose bomo e Eba na kanampasi yesu kaka mwana bise mo Soki na kose botu na yangyama Ia yebi ndenga bandaki Lelonza mea pamola ye Urkwa ngagola te Soki na kose botu na mopa Na didi na del pilo lelo nzambe ya pamola ye Kukwa na verete Soki na kose botu na suvere Kia ye binde na pandaki Lelo nzambe ya pamola ye Mama lusamo anyese Balikana bateve palobana ba radio Basala ba kampana mabe Nyoso ba baby sa vina ngai Sina zalipe yu mate Atendi lisusu bafinga la batili Popa baby savia kapris Kasi nzambe ya pamboli Toko mema bangoli kolo Ana samali kolo ya mbongwe Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ana samali kolo ya mbongwe Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ngayoyo, ngayoyo Ana samali kolo ya mbongwe Paris, parce que nous sommes contents de voir le Parisien ici. Alors faire un goal à Agui, cette fête, elle sera évidemment totale. Il est parti s'échanger, il vient encore, mais cette fois-ci, il ne vient pas tout seul. Il sera avec Manassé. Vous allez la découvrir. Elle est talentueuse, notre jeune artiste congolaise, à côté évidemment de Ferré Gola Chetani, boîte noire, à très bientôt. Ferré Gola Chetani! Tout retour, ça, 1780 mètres. Faut sentir, à côté de toi. Qui toque tous les cas. C'est vrai ça. Papi kake na luki luki on a mis au bowling on a monioté na zoata kulima na patrouille en éclairé peut-être qui na zilu par hasard non non. Papi kake na luki luki ona miso bolingo na moniote na zwata kulima na patrouille neglere peut-être kwe na zilu par hasard non non. Les mains sur la tête et les larmes au ciel par terre comme à la guerre que nana kwe se bolingwe tu m'as laissé comme un tout petit poussin. Au milieu de ces pervers, nana, comment banga sous ces ibekena, nana. Afraga de liamu, la mesa de sac na kanga yo. Simple rimeri a pama, au tourné na le dos. Y'a pas que tu es ma faiblesse, le détache qui est en détresse. Et pas non à soi qui adresse, talana komi esse. Chéri Moussa mon yokoli trompé en nganzo toi. Na boss exposé mourant l'amour en plein air. Soué na bangwe sala ki gola halo na mana sengwe par nena. Na sala sauvé. Na sana nga ino samowe. Fote na nga ite ya la mulu matia satalia. Qui passe, y a quoi les matins, mon taboli, moi, n'y a pas que témoin. N'a risque, n'a pas de baboute, y a pas de couloune. N'a meni binote, batobo salaki, commanda soupe. N'a table, n'a trissa qui se couvert, mon quoi, l'oe vera, nana. Bosongi, c'est la ma, Bruno Matadi. Boi, banabino, porte mon ego. Pour rétrocéder les ma, chérie, golao. Bodo non abino na grimoire. Richard Lofumbo Rambo Showbiz Arnold Matiki Flo Boys. Boson iselanga Edo Sonsae. Boi banabino porte moneo. Bo retrocedele ma foudre nanga. Bodo non abino na Patrick Moussama le maximum. Na sole la wa na Suisse na yebota na mikilite. Na kufeli no kote baba kulinga nde bolingo na victoire. Na ikombo uta mofila na komiki sasaka kale lo wa. Baki no wafungoli na miso. Receiver ki di baso mona strenge baso iba lola ngwe. Babeti nga dodo afrema bato shone nga bolingo na victoire. Osongi sela nga Hervé Mwanzao. Boy banabino porte moneo. Bo retrocedele nga jomo dango. Boy banabino grimoire. Na jirai kina kobalati soki osongite. Tonde yano na ngai, mosapi na ngai pesano. Nevoke desu mabela yebisi ngai. Amster na ngeza ya purko solo libongo. Ezota mondele, Eva la del Mbala, Bobo Boko le thermomètre, Jimmy Bofosa Francis Lutumba, eh. Acoustico yo, ma gloire panda yo, eh. Berado Prince de Zamunda, Tala Teni, Junior Aziza. Musuni afreshe sala ganzo galengi boye, Otika ngana buku dati na mukuwa, Ate kanga mina lineta libinoteo, Nitama te vimeza yangai, Lole mwate katanyeza yangai, Nitama te vimeza yangai, Mama itano ngai, sasa no ngai, Tita ehe, sasa ehe, itano ngai, Tikangana ni amu ni amu tiye kosila o Shama sunda salaka ya lengi boye Junior Osier Ver Gimme show a salaka kaka boye Shipe mini a salaka kaka boye o Miss Tula Shama riki kuna salaka ya kaka boye Tikangana ni amu ni amu tina mokuwa Na ya gata ni zaya ngai Ata ye kata ni zaya ngai moko Soge zaya ngai Hitano ngai Sasa ee Sasa oo Basasia ee Sasa oo MCS Balondo Arnold Mukendi Le Panamera chez Gigi Palmi Chabani rekora salaka elengi boye Michel Adilouya salaka elengi boye Leo Manaja Adolungu André Kasai Lokoki de Bundes Boti kangana nyamu nyamu tina mukuwae Ate kangami naline talipinatewe Itama te vimeza yangai Lole mwate kataneza yangai Mama itano ngai Mama sasano ngai Mama itano ngai Nasana ngai amobesue Koto ebelite Sirtu na lopele Sirtu na lopele Thierry Mukunae Li solo ya akustiko yo Sadir fuiza la gawa boye Nenge ba joba lati kitoko boye Nenge ba mamaye kitoko bazali Boye ndeza la gawa Boye ndeza la gelengi Olivier Chimanga Murubo ya mwindo Yoka nenga kulila na gitar O susi ya parite kwa imba kwa na parite Siwana Poti mba waka Tosa la bumi Olivier Chimanga Oluba ya mwini Banzembo ebeta kana duzer Souvent Tanto kena kana klas Meba ninga mingi tosa kana bango Bazaratura tongo Yo na 17 ero anoko zonga na yo Yo bulga ke kudame Mera zo tutane na pondo Siko eza fote ya mer Kube pere mtatika imbongo na rita Kube ya yake no sumba kibongo na rita Bolingo eza fasil bandeko na maboni di miranga Nazo komprendre lo bangote Mabe mwa ke iwa pimbe To bolingo ebonga batomi Bale na sika linga imoko Made mo kalema Papa, mama, babo, tanga, bakufa, bako, meskelete, na lilita, e, nga, ipe, nazo, kufa, pona, boli, wa, madembo, e, mame, bleze, uta, decepse, katimi, si, sabo, moi, makila, nzoto, nyosu, eso, pani, kasi, dembo, fui, koyo, kena, nga, ima, wae, Natasha, Anelia, nambo, aboli, plimono, madembo, kokyo, soma, na, fina, nga, Pene na yo sheri, mabe koki koyera nga njame oke kolembisela na ninzoto ekosi yango yekoki momabali akakolingo mona mu shako kalema beba mapuka pasteur JP kabolo osa nzoto na yo kufreli na ngai karese na yo avio emimaka nga na lola basantima nga nazongaka bebe esanga bolingo ngai awa ye baposa nzoto ekomiolala nzala eske na kongo vivre sa yo mama owaye ekoki nano ete nazomituna ye bademo bademo ye tokson de wolo igelovelela yakosalanga dikidiki lokolo osalaki semene pase pol kasembele na babolimo na badeboye koki osomba na fina ngai pene na yo sheri iwe koki koyala ngai jame fidel betabeta nasako okoka tei kolala sa yo molimo na yo esikotya motema na ngai anotage aisha onokoko erite sangoi Lose le sol. Pourquoi bolimwe comme yo leke la bana mon pepe? Ah bon. Sangwa bolimwe lingeti kambaneli kombe. Ah oui. Wili gabana. Moku sezo salangai, nzoto motima ya kako pandangai. Na motolu posa bolimwe leke makasi. Igor de minute. La salle de réception Tremplin Prestige vous accueille pour tous vos événements. Elle est située à environ 30 minutes de Paris en voiture et peut accueillir jusqu'à 350 personnes assises. Elle dispose également d'un grand parking sécurisé et gratuit. Ce lieu au cadre très chic et luxueux est l'endroit idéal pour rendre inoubliables vos soirées de mariage, baptême et anniversaire. Notre équipe met tout son savoir-faire à votre service pour vous aider à organiser tous vos événements et se tient entièrement à votre disposition. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter au 01 60 62 85 76 ou au 06 81 99 93 31 ou encore au 06 59 43 72 78. No te voy a dejar libre, voy a buscarte bajo cielo y tierra. Este amor no fue una apuesta, mujer. Porque caminaré, cerca te estaré, no, y te perseguiré. Aunque mis zapatos se me gasten, mis pies seguirán pisando toda huella que dejaste. Génial, du jamais vu. Tu as réussi. J'ai été fort impressionné. Une très belle organisation, un très bon concert. Envoyez-vous avec moi. L'ambiance était très calme, tranquille. C'est tout ce que j'aime. Non, c'était super. Franchement, super classe, chic. Chic, oui, c'est très bien. Ouais, ouais, non, franchement, bien, bien. Trois bons clips, dont un avec moi dedans. La classe, franchement, ça bougeait. Et un autre clip vraiment rumba congolaise, quoi. Franchement, rumba congolaise, ça déchire, quoi. Dès que tu danses ça, t'as envie de faire un enfant, quoi. C'est une tuerie atomique. Big up, Ferreg, voilà. Phil Darwin. Thank you. mesdames, Ferré Gola. Il est là. Bien accompagné, on vous l'avait dit, il sera là tout le Son Excellence Guillaume Soro, Ferré Gola chante. Vas-y. Papi kake, na luki luki on a miso bolingo na monyote, na swata kolimai. Na patrie n'éclairé peut-être kwe na selo, par hasard nono. L'autorité soleil, papa ochombe mwana mwibara, ya maman Antoinette. Papi kake, na luki luki on a miso bolingo. Soit à Colimaï, n'a pas trouvé un éclairé, peut-être quoi il n'a c'est par hasard, non, non. Kovo ma sola les bosses silencieux. Les mains sur la tête et l'air la moussie. Par terre comme à la gueule, qu'un an a cuisé bolimoué. Tu m'as laissé comme tout petit poussin. Au milieu des épervins, n'a pas comme un bain à soucier, bikina, nanga. Guilouemba ya métiol. Dieu les yombe les Jean-Claude Songola. Batou Swana. Ma fanga de liamo, la médaille sac na kangayo. Simple rimer ya pamba, retourne na le dos. Et baguette y est ma faiblesse, me dit à chaque instant détresse. Et pendant la soie qui adresse, talana comme mystère. Mohamed Kake, Patrick Bilo Kake, les maboubi di Jimmy Katalai. Kake on yoko li trompe en grand zoto. Eric Enda. N'a beau s'exposer pour voir l'amour en plein air. Ce n'a pas mis à la gigola. Cette soirée glamour, vous avez trouvé les femmes très élégantes, très charmantes. Et l'organisation impeccable. Les filles, elles étaient toujours au pas. Je dirais serviables à tout moment quand on a besoin de voir. Et souriantes, je sais qu'elles sont très bonnes. Vous avez assuré la soirée, ça a été très bien. Donc c'est ça l'essentiel. Je pense que c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois. La prochaine fois, on va encore venir faire une soirée. La boîte noire. Ici, je suis assuré. Donc voilà, c'est ça. Génial. Du jamais vu. Moi-même, l'endroit et tout, on n'a jamais vu ça. De toute façon, c'est la première fois que ça se passe à Paris, un événement comme ça. Donc, j'ai pas beaucoup de choses à dire. C'était super génial. Super génial. C'était génial. Ouais, l'album.